أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous sommes toujours dans la série de cours en guise d'explication du livre de Cheikh Al-Albani رحمه الله, la description de la prière du prophète عليه الصلاة والسلام comme si tu la voyais, hein, du Tekbir au Teslim. Explication faite par Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul, hafidahullah ta'ala. Et on avait fini le dernier point sur la prière sur le Minbar. Et aujourd'hui, on rentre dans la Sutra. Et donc, c'est un nouveau chapitre. Et le titre est As-Sutratu wa Wujubuha. Donc, on lit comme d'habitude en arabe et puis on traduit ensemble, inshallah. Donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit: وكان يقف عليه الصلاة والسلام قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أدرع، وبين موضع سجوده والجدار ممرشات، وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدني منها، ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده، وكان إذا صلى في قضاء في أو في فضاء عفوا ليس فيه شيء يستتر به، غرز بين يديه حربة فصلى إليه والناس وراءه. وأحيانا عليه الصلاة والسلام كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنه نهى عليه الصلاة والسلام عنها. وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذا جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. ويم الله، لولا ما سبقني إلي أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Donc j'ai tout lu en arabe pour que ce soit un peu plus facile pour les frères francophones, pour qu'on fasse tout le texte en français en une fois, inshallah. Donc c'est un nouveau chapitre, et c'est le chapitre sur l'obligation de la sutra. L'obligation de la sutra. Et on va voir c'est quoi la sutra après, inshallah. Donc il, c'est-à-dire qu'il, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se tenait à proximité de la sutra. Hein? On pourrait déjà résumer en guise d'introduction que la sutra, c'est tout simplement ce que tu mets entre toi, hein? C'est quelque chose que tu mets devant toi pour te protéger des gens qui pourraient passer devant toi, hein? Ou de toutes choses qui pourraient passer devant toi. On va le voir en plus en détail, inshallah. Évidemment, on parle ici dans la prière, hein? Donc, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tenait à proximité de la sutra, et il y avait entre lui et le mur une distance de 3 coudées. Hein? Et il y avait entre l'endroit de sa prosternation, l'endroit où il se prosterne, donc l'endroit de sa prosternation, et le mur assez d'espace pour qu'un mouton puisse passer. D'accord? Et il disait, alayhi salatu wassalam, ne prie qu'en direction d'une sutra et ne laisse personne passer devant toi. S'il refuse, hein, que tu l'en empêches car il a le qarin. Le qarin, c'est un shaitan, comme le dit l'Ethiopie dans le Sharh Sunan Nasa'i, hein, c'est-à-dire un démon, un shaitan, car il a le shaitan avec lui. Comme, donc je l'ai dit, comme l'a dit le Sharh l'Ethiopie dans son explication de Sunan Nasa'i, on avait déjà parlé de cette explication-là, on avait dit que le titre était Dakhirat al-Uqba. Et il disait, alayhi salatu wassalam, quand l'un d'entre vous prie en direction d'une sutra, qu'il s'en rapproche afin que le diable ne puisse pas couper sa prière. D'accord ? Et on va voir comment est-ce qu'il faut se rapprocher de la sutra, quelle est la distance entre le point du sujoud et la sutra, la distance entre, entre nous quand on se tient debout et la sutra. On va voir tout ça, Inch'Allah. Et parfois, il s'efforçait, alayhi salatu wassalam, de prier derrière un des piliers de sa mosquée. Et lorsqu'il priait dans un endroit désert, hein, il est dit ici, « fil fada », hein, au fifada'in, c'est-à-dire un endroit où il n'y a rien, un endroit désert, où rien ne pourrait être utilisé comme sutra, il plantait dans le sol une lance, hirba en arabe, hirba, une lance, et priait dans sa direction avec les gens derrière lui. D'accord ? Et parfois, alayhi salatu wassalam, il mettait sa monture de côté devant lui. Hein, il la mettait devant lui, et qu'est-ce qui se passait ? Il priait dans sa direction. D'accord ? Et si Cheikh Al-Albani fait un commentaire déjà, parce que ça devrait déjà vous poser une question directement dans la tête, je voudrais vous poser la question vis-à-vis de ce qu'on avait déjà vu, l'interdiction de prier dans... Hein, on avait déjà vu dans un de nos cours. Hein, dans les parcs à chameaux, hein, on avait dit que c'était interdit. Contrairement aux enclos à brebis et à moutons, là on peut prier. Et on avait vu pourquoi. À la kulli hal, et Cheikh dit justement ici, et ceci est différent de la prière dans le parc à chameaux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Donc il y a évidemment un jam à faire entre le nosos ici, entre les textes, d'accord ? Et parfois, il prenait une selle, donc une selle hein, sur laquelle qu'on met sur une monture, et la mettait en longueur et priait en direction de l'arrière de la selle. Et il disait, alayhi salatu wassalam, si l'un d'entre vous place devant lui quelque chose, haut, c'est ça qu'il faut comprendre ici dans le hadith, comme le bâton qui se trouve à l'arrière d'une selle, hein, ce qu'on appelle le mot « khirat al-ibil », donc si il place devant lui quelque chose haut comme le bateau qui se trouve à l'arrière d'une selle, qu'il prie, hein, qu'il prie et ne se soucie pas de celui qui passe au-delà de cela. Et il a prié, alayhi salatu wassalam, une fois en direction d'un arbre, shajara, il a dit dans le hadith, hein, et parfois il pria en direction du lit, hein, sarir en arabe, hein, du lit où Aïcha radiallahu anha était couchée sous sa couverture. D'accord ? Et il ne laissait rien, alayhi salatu wassalam, passer entre lui et sa sutra. Il priait une fois lorsqu'un mouton essaya de passer devant lui. Il le devança et colla son ventre contre le mur. C'est-à-dire qu'il s'est rapproché, hein, du mur pour ne pas laisser passer le mouton. Et donc le mouton, qu'est-ce qui s'est passé ? Il passa derrière lui. Et un jour, lorsqu'il priait, une prière obligatoire, hein, salat maktouba, salat al-maktouba, comme il a dit le Cheikh Al-Albani ici, et comme c'est rapporté dans le hadith, donc c'est une des 5 prières, c'est ça qu'il faut comprendre ici, il serra le poing, hein, il serra le poing. Lorsqu'il eut fini sa prière, il dit, oh messager d'Allah, s'est-il passé quelque chose pendant la prière, durant la prière ? Il dit, non, sauf que Shaitan a voulu passer devant moi, je l'ai donc étranglé au point que j'ai pu sentir la froideur de sa langue sur ma main. Par Allah, si mon frère Suleyman, il parle de qui ? C'est le prophète, alayhi salam. C'est qui Suleyman ? Le prophète Suleyman, alayhi salatu salam, hein, ne m'avait pas précédé en cela, je l'aurais attaché, c'est-à-dire qui ? Le diable, le shaitan, na'am, à un pilier de la mosquée et que les enfants de Médine puissent tourner autour de lui. D'accord ? Quiconque peut empêcher que quelque chose ne s'interpose entre lui et la qibla, qu'il le fasse. D'accord ? Il disait aussi, alayhi salatu salam, quand l'un d'entre vous prie en direction d'une chose qui le protège des gens et que quelqu'un veut passer devant lui, qu'il le pousse au niveau de la gorge. hein, qu'il le pousse au niveau de la gorge et le repousse autant qu'il peut. Dans une autre version, qu'il l'empêche deux fois. Hein? S'il refuse, qu'il le combatte. Hein? Je ne ferai pas ça aujourd'hui, inshallah, mais pour les frères qui sont un peu curieux, pour le tolab al-ilm, vous pouvez aller voir les discussions qu'ont dit les ulama vis-à-vis du fait de combattre. Qu'est-ce que ça, pour certains, qu'est-ce que ça implique, hein? Les différentes discussions, parce que c'est toujours dans la prière, hein? Alors que comment est-ce qu'il va le combattre dans la prière sans annuler la prière, etc. Ça peut être intéressant de voir, hein? Je vous dis ça à titre de motivation, pour retourner, hein, un peu dans les livres de la sunna et d'aller chercher un peu. C'est comme ça que le talib ilm se construit. C'est pas en se limitant à ce qu'on fait ici, c'est il faut, comme salam. C'est en faisant des recherches, il faut un peu chercher à la maison, il faut un peu lire en plus. À la kulli hal, donc je continue le hadith ici, s'il refuse qu'il le combatte, fal yuqatilhu. Car en vérité, ce n'est qu'un diable. Et il disait, alayhi salatu wassalam, c'est celui qui passe devant le prieur, savait, ce qu'il faut comprendre ici, ce qu'il encourt, hein, il attendrait 40 plutôt que de passer devant lui. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre par 40? Encore une fois, il faut revenir aux différentes explications de ulama vis-à-vis de 40. Hein? Certaines riwayas, ça même va jusqu'à 100, hein? Comme Cheikh Al-Ethiopie l'a rapporté dans Sharh Sunan Nasa'i. On lit ensemble l'explication de Cheikh Bezmoul, et je vous dis déjà qu'on ne finira pas aujourd'hui, on fera la semaine prochaine. J'ai eu quelques problèmes aujourd'hui. Quelqu'un en fait qui a gravement endommagé ma voiture, je crois qu'elle est complètement partie à la kulli hal, donc j'étais un peu occupé avec ça et j'ai pas pu préparer tout le cours, et c'est un cours qui est assez long en plus, et je vous avais déjà dit qu'on devait peut-être le faire en deux ou trois cours, hein? À la kulli hal, on prend ce qu'on peut prendre déjà aujourd'hui et on terminera la semaine prochaine, inshallah. Qaddarallah ma sha'Allah fa'al. Donc explication de Cheikh Bezmoul, hafidahullah et qu'Allah le préserve, et il dit hafidahullah, pour les frères qui ont la même édition que moi, c'est page 153 en bas de page. Et il dit هذا الفصل يتضمن عدة مسائل. عليكم السلام. المسألة الأولى ما هي السترة؟ Première question, c'est quoi la sutra? Il faudrait définir c'est quoi la sutra. Et il dit le cheikh, الجواب السترة هي ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة بينها وبين موضع السجود قدر ممر الشات. Donc qu'est-ce que nous dit, on va prendre point par point pour que vous puissiez noter à chaque fois, inshallah. Cheikh, il commence et il dit ce chapitre comprend, hein, le chapitre de quoi, comme on a dit, de la sutra et de son obligation. Qu'est-ce qu'on comprend ici dans le titre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah? El fiqh fi tarjama, que c'est? Que c'est obligatoire, justement. Le hukm ici, il est déjà dans le tarjama. Il est dans le titre. Hein? Et on retrouve le sani' de qui ici? Par exemple, de l'imam Bukhari, rahimahullah. Quand vous regardez dans le sahih de l'imam Bukhari, rahimahullah, vous trouvez qu'il rapporte un titre et que le fiqh, hein, son fiqh, sa compréhension, le jugement qu'il donne déjà, il est déjà dans le titre. Hein? Et après, il rapporte les dalils au niveau de cette tarjama-là, de ce titre de chapitre-là. D'accord? Bien, regardez le titre ici, « As-sutratu wa wujubuha ». Donc, Cheikh Edi Bezmoul, par rapport à ça, Hafidallah, il dit, ce chapitre comprend ou traite de plusieurs points. Hein? Je vous donne le premier point ici. C'est quoi le premier point? Il dit, c'est une question. Qu'est-ce que la sutra? Qu'est-ce que la sutra? Hein, pour les frères qui veulent un peu plus avoir au niveau de la langue arabe, ce sera intéressant de revenir à l'explication de Cheikh Al-Ethiopie de Sharh Sunan Nasa'i, dans le chapitre justement sur la sutra, c'est le volume 9, hein, de voir que les différentes lourates au niveau des différentes langues des arabes par rapport au mot sutra. Hein, d'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient dans la linguistique, etc. Et il dit la réponse, Cheikh Bezmoul, la sutra est ce que le prieur, celui qui est en état de prière, place devant lui dans la prière, hein, donc c'est ce que tu places devant toi quand tu veux prier. La distance entre l'endroit où il se prosterne, mordir sujoud comme on a dit, l'endroit où il se prosterne, et la sutra est de quoi laisser passer un mouton, hein. Et je veux me mettre attentif. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui est venu chez moi et m'a demandé de faire le conseil à certains frères francophones qui, il a remarqué qu'ils prenaient mal la sutra. Hein, et je lui dis, t'inquiète pas, il y a plusieurs semaines, je lui dis, t'inquiète pas, Inch'Allah, c'est dans nos cours. Hein, on va consacrer un chapitre à ça, donc ça ne sert à rien que je leur parle pour le moment. Et ça fera de toute façon une nasiha générale pour tout le monde. Soit pour celui qui ne sait pas, qui sache comment prendre une sutra, et pour celui qui sait, c'est un rappel pour qu'il n'oublie pas de faire ça correctement. Donc je vous demande de concentrer, Inch'Allah, sur ce qu'on dit, parce qu'apparemment, il y a déjà des erreurs vis-à-vis de ça. Donc la réponse, c'est la sutra est ce que le prieur place devant lui dans la prière. Et il parle ensuite de la distance. Et c'est ça le frère à quoi il faisait référence, c'était à la distance. Hein? Il dit la distance entre l'endroit où il se prosterne et la sutra est de quoi laisser passer un mouton. Ce qu'il a dit en arabe, hein? Mamar shat. De quoi laisser passer un mouton. Le deuxième point, il dit, Cheikh, « Al-mas'alatu thaniya, ma hiya al-hikmatu min mashru'iyati sutra ?» C'est quoi la sagesse, la raison pour laquelle la sutra a été, comment ? Elle a été légiférée. D'accord ? Il dit, « Qala al-ulama rahimahullah, al-hikmatu min mashru'iyati sutrati annaha takunu haddan lil-musalli yamna'u al-marra min bayni yadayhi wa haddan li-basarihi إذ من السنة ألا يجوز ألا يجوز ببصره محل سجوده. Donc il dit le deuxième point, c'est une deuxième question. Quelle est la sagesse, la hikma, la raison, la sagesse dans la législation de la sutra? D'accord? Et il répond en disant, les savants, qu'Allah le fasse miséricorde, ont dit la sagesse, la raison de cela, ou pour laquelle la sutra a été légiférée, c'est qu'elle est une limite pour celui qui est en état de prière, pour le prieur, qui empêche quelqu'un de passer devant lui. Et en même temps, une limite, haddan, une limite, un had, pour son regard. Car la sunna est que son regard ne dépasse pas quoi ? Hein ? L'endroit où il se... Non, mais ahsantum, c'est juste l'endroit où il se prosterne. C'est-à-dire que tu regardes l'endroit où tu te prosternes. D'accord ? Hein? Et je vous avais déjà dit que j'avais déjà remarqué que certains frères, hein, quand ils ont l'occasion de prier à côté de moi, ils ne regardaient pas justement l'endroit de sujoud, ils regardaient en haut ou à droite ou à gauche, etc. La sunna, c'est de regarder l'endroit où tu vas te prosterner. Vous avez fini de noter le troisième point, hein? Al-mas'alatu thalitha, le troisième point à tirer de ce chapitre. Ma miqdaru ma yakunu bayna al-musalli wa sutra. On parle encore une fois ici de quoi ? De la distance, na'am, barakallahu fik, le miqdar de la distance entre celui qui prie et la sutra. Et il dit bayyanat al-ahadith anna miqdara dhalika 3 adru'in min mahall qiyamihi ila sutra. Donc là on a déjà quoi ? Deux différentes distances. Et on va voir c'est quoi les deux inchallah. La première que je vous ai dit, c'est quand entre le point de sujoud, si vous voulez, et la sutra, c'est de quoi ? De quoi laisser passer un mouton ? Et ici, c'est quoi ? C'est la deuxième distance, c'est quand la distance entre l'endroit où tu te tiens debout et la sutra qui est de 3 coudées. Hein ? On va voir, ça va traduire ça après, Inch'Allah. Il dit « Min mahalli qiyamihi ila sutra wa yakunu bayna mahalli sujudihi wa sutrati qadra ma marshat wa hada fil hadith alladhi awradahu al-musannifu rahimahullah » من يريد بذلك شيخ الألباني رحمه الله كان يقف عليه الصلاة والسلام قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع وبين موضع سجوده والجدار ممر شات فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل الجدار سترة له فيجعل بينه وبينه هذه المسافة وبين محل سجوده والجدار قدر ممر الشات ويكون ارتفاع السترة على الأرض 3/4 ذراع أو ذراع. Après il va parler de quoi? On a parlé de la distance entre le point de sujoud et la sutra, et puis entre toi quand tu te tiens debout et la sutra, et puis une autre mas'ala dont on doit parler, c'est quoi? C'est la hauteur de la sutra en tant que telle, de quelle hauteur elle doit être. Et on va voir l'erreur que font beaucoup de gens, hein. Et il dit ويكون ارتفاع السترة عن الأرض 3/4 ذراع أو ذراع وهذا أقل ما ورد فقد جاء في الحديث ما ذكر المصنف رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع أحدكم et moi ici j'ai une faute, il n'y a pas de dalle, je ne sais pas pour vous, pour les frères qui ont le livre, il n'y a pas de dalle, il marque أحكم, il n'y a pas de dalle, corrigez ça, أحكم سلام أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك قال ابن حجر رحمه الله عند شرحه للحديث من فتح الباري في كتاب الصلاة باب يعرض راحلته يصلي إليها من كتاب الجامع الصحيح للبخاري ومؤخرته أو مؤخرته بضم أوله أو بضم أوله ثم همزة ساكنة وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح وأنكر ابن قتيبة الفتح وعكس ذلك ابن مكي فقال لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة. C'est un peu dans la linguistique, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je lis pour les frères arabophones. وَمَّا فِي غَيْرِهَا فَيُقَالُ بِالْفَتْحِ فَقَطْ وَرَوَاهُ بَعْضٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالتَّشْدِيدِ الْخَاءِ. Comment alors ça donne? Ça donne quoi en arabe? بِفَتْح. T'étais pas là. Je recommence. D'accord. وَرَوَاهُ. On parle de quoi? الْمُؤْخِرَةِ. مُؤْخِرَةِ الرَّحِيلِ. La selle de... Tu me suis, hein? ورواه بعضهم بفتح الهمزة والتشديد الخاء. مؤخرة. نعم مؤخرة. والمراد بها العود الذي في آخر الرحل. Ça veut dire quoi? On va voir qu'est-ce que ça veut dire en fait. المؤخرة. C'est en fait le bâton qui a l'arrière de la selle, sur laquelle quoi? Celui qui est en situation de cavalier sur la monture, celui qui est passager de la monture, il s'appuie. C'est ça la distance. On va voir ça, inshallah. Il dit والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الركب. انتهى كلامه رحمه الله. On va déjà traduire ça, inshallah. Il dit. C'était le troisième point. Quelle est la distance entre le prieur et sa sutra? Réponse, les hadiths, parce qu'on se base évidemment sur le kitab wa sunna, c'est les hadiths ont montré que cette distance est de 3 coudées. De l'endroit où il se tient debout à la sutra. Et entre l'endroit où il se prosterne et la sutra, la distance de quoi laisser passer un mouton. Cheh en arabe. Ceci est dans le hadith rapporté par l'auteur, évidemment, il parle de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, puisqu'il explique le livre de Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait debout proche de la sutra. Proche de la sutra. Il y avait entre lui et le mur 3 coudées. Et on va voir déjà directement dans ce hadith qu'on peut prendre. Et je vous avais dit qu'une des raisons pour laquelle on fait ces cours, notamment les cours qu'on avait fait de Cheikh Rabi', c'est qu'on soit capable nous-mêmes de prendre des ahkam, des ahadiths. Évidemment, en guise d'apprentissage, on n'est pas de ulama, mais c'est pour qu'on apprenne ces méthodologies-là. Qu'est-ce qu'on peut prendre directement de ça? Écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit que quoi que, il y avait entre lui et le mur 3 coudées. Qu'est-ce qu'on prend ici directement? Le mur, mais quoi le mur? Qui prenait le mur comme sutra. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs en arabe. Et que la distance entre lui et ce mur, cette sutra-là, comme ça, et cette sutra-là, c'était quoi? C'était que... Elle était de 3 coudées. Et entre l'endroit où il se prosterne et le mur, de quoi laisser passer un mouton? Il y a dans ce hadith, c'est exactement ce que vous avez dit, votre réponse est juste. Il y a dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prenait le mur comme sutra, na'am. Il laissait entre lui et le mur cette distance. Et entre l'endroit où il se prosternait et le mur, de quoi laisser passer un mouton. La sutra doit être élevée, maintenant on parle de la hauteur, elle doit être élevée par rapport au sol de 2/3 d'une coudée ou d'une coudée. Les ulama, ils ont différé là-dedans, il y a une divergence là-dedans, ils ont divergé sur ce point-là. À la coulée, le minimum c'est quoi? C'est 2/3 d'une coudée, le minimum ou une coudée, ça c'est le minimum de hauteur. D'accord? Et pour les frères, Annie, qui peut-être des questions par rapport à la coudée, etc., on va voir c'est quoi la coudée, Inch'Allah. Et ceci est le moins qui a été rapporté. Il y a dans le hadith que l'auteur a cité la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous place devant lui quelque chose. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est de la hauteur. Identique au bâton qui se trouve à l'arrière d'une selle. Qu'il prie et ne soucie pas de ce qui se passe derrière cela. D'accord? Et on va voir que les ulama, ils ont dit donc quoi? Que c'est le minimum, la hauteur, ça doit être la hauteur de ce bâton qui est derrière. Et puis ensuite, ils ont discuté de quelle était cette hauteur-là, justement. D'accord? On va voir ça après, Inch'Allah. Ibn Hazar, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans l'explication du hadith, ce hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, donc dans son explication de Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, et c'est le hadith numéro 507, il dit: ce qui est voulu par al-mu'khira, selon une des riwayats qu'on a rapportées en langue arabe, al-mu'khira, retenez ce mot-là, mu'khira tu'r-rahli, al-mu'khira, c'est le bâton qui se trouve. Il a dit l'oud en arabe. Pour les frères maghrébins, ils savent c'est quoi l'oud. Hein? D'accord? C'est le bâton qui se trouve à l'arrière de la selle sur lequel s'appuie le passager. D'accord? Pour les frères peut-être qui ont déjà assisté, par exemple, à la cavalerie au Maroc ou la Chahine, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça. Vous voyez les selles traditionnelles, vous voyez ce bâton à l'arrière. Hein? Je ne sais pas si vous avez, par exemple, dans ma tribu, ils ont une équipe de ça, ils font des compétitions, etc. À la Koulihal, on voit des selles à la maison, etc. Et vous voyez, subhanallah, c'est vrai, il y a toujours un bâton à l'arrière, quelque chose de droit, qui aide en fait le passager à toujours, quoi, qui se tient droit sur la selle. D'accord? Il dit, c'est le bâton qui se trouve à l'arrière de la selle sur laquelle s'appuie le passager. Sur lequel, quand on parle du bâton, évidemment. Fin de citation d'Ibn Hajar, rahimahullah. Et il dit, ce bâton est de la hauteur de deux tiers de coudée ou d'une coudée. Et là, on va voir qu'est-ce que dit l'imam Nawawi par rapport à ça, rahimahullah. Il dit, « Wa mu'khiratul rahli » hein? أو الرحل قدر ثلثي ذراع أو ذراع قال النووي في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث في هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي وبيان أن أقل أو بيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع c'est la taille de quoi de l'os hein الذراع c'est ça ici d'accord hein d'accord. Et il dit quoi? Adm al-dira' wa huwa. C'est quoi? Wa huwa thuluthi dira' wa yahsulu bi ayyi shay'in aqamahu bayna yadayhi hakada wa sharata Malik rahimahullah ta'ala an yakuna fi ghiladhi ar-rumh. Intaha kalam an-Nawawi rahimahullah. Donc l'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il dit par rapport justement à cette mas'ala ici de la hauteur? Il dit, et c'est évidemment dans quel livre, explication de Sahih Muslim, Al-Minhaj, l'imam Muslim ibn al-Hajjaj, il dit au numéro 399, il y a dans ce hadith la recommandation de prendre une sutra devant soi quand on prie, et la mise en évidence que la sutra doit être au minimum de la taille d'un bâton, ça on a déjà dit, qui se trouve à l'arrière d'une selle. Et c'est la hauteur de l'os du coude. Et c'est à peu près deux tiers de coudée. C'est une mesure qui est connue. Hein? Vous revenez, inchallah, vous faites une recherche là-dessus sur les coudées. Et ce site est possible avec n'importe quelle chose que l'on place devant soi. Et Malik, l'imam, il parle ici de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, a mis comme condition qu'il soit de l'épaisseur d'une lance. D'accord? Fin de citation de l'imam Nawawi, rahimahullah. Et on continue sur cette discussion-là, et en tout cas, il cite une parole d'Ibn Hajar, rahimahullah. قال Ibn Hajar, rahimahullah, عند شرحه للحديث, c'est un peu plus bas pour les frères qui ont le livre, من فتح الباري, on ne va pas lire ça aujourd'hui, Inch'Allah. Je vais vous lire juste la partie sur... On va terminer ce point-là qu'on a commencé aujourd'hui. Et on ne va pas rentrer dans un nouveau point, comme je vous avais dit. On va plutôt faire ça comme ça, Inch'Allah, pour ne pas qu'on reste, on se focalise sur les points qu'on a vus aujourd'hui. « I'tibara al-fuqaha mu'khirat al-rahli fi miqdari aqalla sutra wa akhtalafu fi taqdiriha bi fi'li dhalik. Faqila dira'. » On voit déjà qu'il y a une divergence entre les savants sur la hauteur. Certains ont dit une coudée, certains ont dit « waqila thulutha dira'in » C'est ce qui est plus connu, c'est ce qui est le plus connu chez les mashayikh, c'est les ulama, c'est le deux tiers d'une coudée. Lakin fi musannafi Abd al-Razzaq, je vous avais déjà parlé de ce livre-là, le musannaf d'Abd al-Razzaq, il dit, il a rapporté de Nafi' anna mu'akhirata. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Mu'akhira, c'est la deuxième manière de dire mu'akhira. Et vous trouvez souvent ça chez les Arabes, il y a plusieurs manières de dire un mot. Hein? D'accord? Quand une fois je parlais avec un frère, je disais un bab dans le fiqh, je lui disais bab al-luqata. Il me dit non, c'est al-laqata. Je dis attends deux secondes. On lisait les charhs de Cheikh Al-Fawzan, première phrase il dit, et certains arabes ils ont dit al-luqata. Hein? D'accord? Al-luqata, al-laqata, hein? Différentes paroles chez les arabes. la kulliha. Donc c'est important de savoir ces choses-là. Mu'akhira, on parle de la même chose. D'accord ? C'est différentes manières de nommer une même réalité. On parle toujours du bâton qui est à l'arrière de la selle. D'accord ? Il dit Anna mu'akhirata rahl ibn Umara kanat qadra dira'. Intaha kalamuhu rahimahullah. والمقصود أن السترة تحصل بأي شيء. Et ça c'est très important, on va devoir le noter après, inshallah. كأن يضع مثلا عصا أو يضع الهندام أو يضع أمامه كرسيا أو يضع حقيبة أمامه أو يصلي إلى أسطوانة أو عمود المسجد أو أي شيء مرتفع من الأرض ارتفاع ثلثي ذراع أو ذراع. Qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Bazmoulan, en guise d'explication ici? Il dit que Ibn Hajar a dit, les savants du fiqh, ce qu'on appelle les fuqaha, les jurisconsultes, ils ont considéré la hauteur du bâton qui se trouve à l'arrière d'une selle comme le minimum en hauteur d'une sutra. Et ils ont divergé sur la hauteur de ce bâton. Et certains ont dit une coudée et d'autres ont dit les deux tiers d'une coudée. Et c'est l'avis le plus connu, le dernier évidemment, les deux tiers d'une coudée. Mais il y a dans Al-Musannaf de Abd al-Razzaq que Nafi a rapporté que le bâton à l'arrière de la selle d'Ibn Omar, Mu'akhirat al-Rahil d'Ibn Omar, c'est qui Ibn Omar? Abdullah ibn Omar, le fils, le compagnon, fils de compagnon. Donc Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, ibn al-Khattab. Donc c'est le fils d'Omar ibn al-Khattab, l'un des quatre califes, le deuxième des quatre califes, et son fils qui est un grand compagnon, et parmi les Abadila, comme on avait déjà vu dans les durus de Cheikh Rabi', et parmi qui encore? Non, il fait partie des Abadila, et Abdullah ibn Omar, il fait partie de quoi encore d'autre? Je sais qui c'est, mais il cherche le mot. Mukthirun. Humina Mukthiri Sahaba. Et je vous avais cité un poème. Qui l'a retenu? C'est quoi le Mukthiri Mna Sahaba? Je vais vous donner la définition. Les Sahaba qui ont rapporté plus que 1000 hadiths. Il y en a combien? 7. Celui qui dit le poème, je lui offre un livre. Et un se dit, ah, Qadallah, j'aurais dû l'étudier. Il est très court, il fait 2 lignes. Eh ouais. Ah, tu sais qu'elle a jeté 9, alhamdoulilah, c'est une partie. فالمكثرون في الإخبار أيوة لا أبو هريرة ف فابن عمر ها سلوية ف فأنس بن ف كي أيوة فأنس بن مالك ها فزوجة النبي. C'est qui Zouj Nabi? Aïcha, donc on a déjà combien ici? Comptez avec moi. Abu Huraira, premier, deuxième. Abdullah ibn Omar, troisième. Anas ibn Malik, quatrième. Aïcha, radiallahu anha, il a dit Zouj Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a dit hein? Fal Bahru, et c'est qui le Bahru? Ibn Abbas, parce que c'est Habr l'Umma, naam. Ibn Abbas, on a combien? 5, fa? Fa Jabirin. Eh ouais, c'est juste, hein? Il y en a 6. Le Khoudri, j'allais dire celui qui trouve le dernier, je lui offre le livre. Mais... tu m'as devancé. Des fois, vous ne voulez pas être trop rapide. D'accord, mal Khoudri. Hein? D'accord? Donc, Abdullah ibn Omar, il fait partie de qui? Mukthirun mina Sahaba. C'est important de situer qui sont les Sahaba. Donc, Ibn Omar, qu'est-ce qu'on a rapporté de lui? C'est qui a rapporté de lui? Et c'est qui a rapporté le Nafi'? Abd al-Razzaq. Dans? Hein? T'as dit le Mousnad? Non, Mousnad c'est l'imam Ahmed. Retenez les noms des livres, ya ikhwa. Al-Musannaf. Al-Musannaf Abd al-Razzaq. C'est un livre qui est cité souvent par le Mashaykh. Hein? Khair, inshallah. On était où? Donc, quoique, il rapporte que Nafi', que le bâton à l'arrière de la selle de qui? De Ibn Omar, était d'une coudée. Hein? D'accord? Fin de citation. Ici, il dit, ce qui est entendu ici, c'est que la sutra peut être n'importe quelle chose. Et ça, c'est important, je vous demande de retenir ça quand même. Ça peut être de n'importe quelle chose, comme un bâton, par exemple. D'accord? Ou une chaise. Hein? Ça arrive souvent ici à la mosquée, vous voyez des fois quelqu'un qui prie, hein, il ne sait pas par exemple qu'il doit prendre une sutra ou, hein, il a oublié ou pour x ou y raison. Et vous voyez souvent des frères qui mettent une chaise devant ou ils mettent les petites tables qu'on a devant nous, les petites tablettes ici. Hein, ils les retournent devant lui, etc. Pourquoi? Justement pour les faciliter, pour lui mettre une sutra. Et c'est juste ce qu'ils font. Donc il dit, si regardez ici, ou une chaise, ou une haqib, un bagage ou un cartable, d'accord, hein, à condition qu'on a dit quoi? La hauteur, hein. Ou prier derrière un pilier, par exemple, c'est ce qui se fait souvent ici à la mosquée, hein? D'accord? Ou toute autre chose élevée par rapport au sol de deux tiers de coudée ou d'une coudée. C'est ça la condition. On a dit pourquoi? Parce que c'est le, hein? C'est le minimum en hauteur, d'accord? On continue et on termine avec ce dernier point. Inch'Allah. Wa kana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ahyanan. Je devrais peut-être vous laisser me poser des questions. Si je réponds, vous m'offrez une nouvelle voiture ou quoi? Parce que, hein? Non? Hein? Hein? Qu'il disait, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي في الحجرة النبوية ويجعل السرير سترة له وكانت عائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعرض راحلته أي يأتي براحلته عرضا أو عرضا ويجعلها أمامه يصلي إليها يتخذها سترة ولا يخالف هذا ما ثبت من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فإن هذا في اتخاذها سترة خارج معاطنها. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazoumoul ici? On va terminer là-dessus comme on a dit inshallah aujourd'hui. Il dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait parfois dans ses appartements. Il prenait le lit, hein, comme sutra, alors que Aïcha radiallahu anha y était couchée. Il a été rapporté de manière authentique qu'il mettait parfois sa monture de côté. D'accord? C'est-à-dire qu'il la mettait comment? En largeur, comme il a dit ici. Et la prenait comme sutra. Il la plaçait devant lui et priait dans sa direction et la prenait donc comme sutra. Et comme je dis là, une question qui doit se poser directement, Cheikh répond ici, il dit, ceci ne va pas à l'encontre de ce qui a été rapporté comme interdiction de prier dans les parcs à chameaux. D'accord? Car ici cela concerne le fait de les prendre comme sutra en dehors de leur parc. Hein? Donc il y a un jam entre nos sources ici. C'est quoi? C'est que en dehors du parc à chameaux, quand ils sont, hein, pour les frères qui ont le livre, il y a plus d'explications, j'ai voulu faciliter pour vous, je n'ai pas voulu rapporter parce que c'était comme un peu technique, etc. J'ai résumé. Pour les frères qui veulent plus avoir des détails sur les paroles des salafs vis-à-vis de ça, il y en a qui retournent au livre, Inch'Allah. Alors, à la Koulihal, il dit, car ici, cela concerne le fait de les prendre comme sutra en dehors de leur parc. Il dit, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le prophète, sallam, il l'a fait. Hein? Et d'accord, ça ne va pas en l'encontre de l'interdiction. Parce que c'est qui a donné l'interdiction? C'est le prophète, sallam, qui l'a donné. D'accord? Ou qui l'a fait en tout cas. Et après, il y a encore un quatrième point et un cinquième point. Et Inch'Allah, on les fait la semaine prochaine. Et wa jazakum Allahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on se voit donc, alors, Inch'Allah, si tout va bien demain, pour al-usul talata du Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullahu ta'ala.